gens. Oh mon caca! Oh ma caca, c'est bon, hein, mes amis! Vous avez entendu ça? Pour le lundi de Pentecôte, là, il y a des fumiers qui ont trouvé la solution! C'est PD de taxi! Ils vont travailler, certes, mais devinez quoi? T'arrives jour férié. Oh punaise! Je déteste cette profession de glandeur à casquette! Ah, ça me rappelle la dernière fois que j'ai pris un taxi. Putain, ça s'est mal passé. Ah, c'était cette nuit. Salut! Eh oh! Jamais tu réponds quand on te cause? Je suis chauffeur, je suis pas conférencier. Eh ben? Eh oh, on fume pas dans le taxi. Eh ben si! Eh, hey, la preuve, regarde! J'ai une goldo dans chaque main! Si vous jetez pas vos cigarettes maintenant, je m'arrête. Si tu t'arrêtes, j'écrase mes clopes sur tes sièges en pot de plastique! Je vous préviens, ça va vous coûter un supplément d'avoir fumé dans mon taxi. Et ma réduction, alors? Ma réduction? Quelle réduction? Bah, celle d'accepter d'être conduit par un gros con! Ça va mal finir, je vous préviens. Ah, toi, tu trouvais que ça avait bien commencé, face de truie? Ok, je m'arrête. Oh là là! Oh là là, mon jojo à l'arrêt! Oh bah, c'est un chier, hein! Le type, il est descendu! Et moi aussi, il m'a attrapé par le col de la main droite. Oh, main droite que j'ai retirée de son bras et que j'ai filé un chien qui passait par là. Du coup, il s'est mis à chialer en me disant que sa carrière était foutue. Je l'ai rassuré en lui disant que de conduire une automatique serait la solution idéale. Et pour lui prouver mon propos, je l'ai mis dans le coffre et j'ai pris le volant. Je te rassure, histoire d'être à l'aise, j'ai pris une gorgée de remontant schnapsé. Oui, tu sais, la spéciale conduite de démonstration. Oui, celle-là, la 23 litres. Et puis pendant 12h30, j'ai fait des tours de périph' à fond, en seconde. Or, pour éviter la monotonie, une fois sur deux, j'ai alterné. Une fois marche avant, une fois marche arrière. Et ben maintenant, je te dis un truc. Je crois qu'il a compris qu'il fallait respecter le client. Non, mais tout ça, c'est une question d'éducation. Non, mais... Bon, allez, faut que je te laisse. J'ai envie de faire bibi. Au revoir.